Chapitre 4. Un enseignant conscient de ses responsabilités peut-il s'autoriser un parallèle entre l'art du dessin, pouvoir bien réel, et la magie, invention destinée aux enfants? Oui, bien sûr. S'il parle de Merwin Rhys Lavallon. Élise Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Alget. Il leur fallut 4 jours pour rallier Alget. Les agglomérations étaient devenues nombreuses, et pour la première fois, Camille et Salim découvrirent des structures autres qu'agricoles. Devant leur regard étonné, Edwin se lança dans des explications. Alget est le cœur de l'Empire. Quand, il y a 15 siècles, les hommes se sont libérés du joug Slish, ils ont décidé de bâtir la capitale avant de partir à la reconquête de leurs terres. C'est là que s'est concentré tout ce qui restait du savoir humain. Aujourd'hui encore, une bonne partie de l'Empire est sauvage, et les hommes qui y vivent sont des pionniers. Vous l'avez constaté en venant jusqu'ici, me semble-t-il. C'est à Alget qu'on forge l'acier, qu'on coule le verre, qu'on étudie la médecine et les étoiles. C'est à Alget aussi qu'on forme les dessinateurs. Dans le reste de l'Empire, vous ne trouverez que des artisans et des agriculteurs, y compris dans des villes comme Alvor. Tout en écoutant Edwin, Camille regardait autour d'elle. La contrée était peuplée, mais la nature, respectée, avait conservé une place d'importance. Les villages, s'ils étaient plus étendus que ceux qu'ils avaient eu l'occasion de traverser jusqu'alors, gardaient des dimensions humaines. Il n'était pas rare de voir un animal sauvage traverser la piste ou jaillir d'un taillis. Camille soupira en pensant à ce que les hommes avaient fait au monde qu'elle avait quitté. Ici, l'air était pur, même près des grandes forges. Et l'eau des rivières, au cœur des bourgs, restait douce et limpide. Quand arriverons-nous à Alget ? Demanda-t-elle à Elana qui chevauchait près d'elle. Cet après-midi, je pense, répondit la jeune femme. Est-ce que la ville sera aussi impressionnante que l'arche ? Camille dut se contenter d'un sourire en guise de réponse. Ils furent contrôlés, au milieu de la matinée, par une patrouille de gardes impériaux. Les soldats étaient détendus et leur travail relevait davantage de la routine que de la nécessité de surveiller la route. Edwin ne se fit pas connaître et ils repartirent après avoir simplement indiqué qu'ils se rendaient à la capitale pour affaires. La route était large, ses dalles roses soigneusement jointes, et ils rencontrèrent de nombreux voyageurs circulant dans un sens ou dans l'autre. Enfin, du sommet d'une colline arrondie couverte d'herbes rases, Alget leur apparut. Une nouvelle fois, Camille eut la respiration coupée. Alget n'était pas une ville, mais un miracle de clarté, de couleur et d'eau. Jaillissant de la plaine comme un bastion inexpugnable, un plateau rocheux aux bords verticaux s'élevait à 50 mètres. La capitale était construite à son sommet, tour défiant le ciel, coupole de nacre, passerelle arachnéenne. Chacun des toits semblait tissé de lumière, et l'ensemble tenait davantage du chef-d'œuvre prêt à l'envol que de la ville classique. Plus magnifique encore que les constructions élancées, un rideau liquide tombait du plateau en une pluie continue et, cataracte scintillante, rejoignait les méandres d'un lent cours d'eau qui en faisait le tour. La piste empruntait un pont brillant de 1000 feux bleus qui se courbait jusqu'à atteindre une brèche dans le plateau. Là, un dôme translucide protégeait le passage de l'eau qui jaillissait du sommet. Chacune des milliards de gouttes se teintait alors d'une nuance azurée et nimbait les alentours d'une lumière surnaturelle. Le marine se mariait avec l'outre-mer, ruisselait sur du cyan, ricochait sur de l'indigo. Autant l'arche était un paragon de pureté, autant Alget était un jaillissement de formes éblouissantes, de lignes étourdissantes, éclairées par la symphonie lumineuse de sa chute d'eau éternelle. Salim se figea de saisissement et Edwin lui tapota l'épaule. « Comment disais-tu déjà ?» se moqua-t-il. « Vous avez le train, l'avion, c'est ça ?»« Bienvenue à Alget. Le pont, la brèche et la cascade devant vous forment la porte de Saphir. Au sud, la porte d'Émeraude. Au nord, l'améthyste et la porte de Rubis à l'est. »« D'où vient l'eau ?» interrogea Camille. « Pourquoi ne cesse-t-elle pas de couler ? Quelle force la conduit en haut ?»« Tu es mieux placé que moi pour répondre. » remarqua Edwin. Les mystères de la beauté d'Alget trouvent leur explication dans l'art des dessinateurs qui l'ont imaginée. Pour moi, elle est merveilleuse, cela me suffit. Aucune construction ne s'élevait dans la plaine qui entourait la capitale, comme si personne n'avait osé bafouer la magnificence de la cité. Les sabots des chevaux, lorsqu'ils arrivèrent sur le pont, émirent le même son cristallin que lorsqu'ils avaient traversé l'arche. La route était devenue bleue et Camille ne douta pas une seconde qu'elle était de saphir. Salim, complètement dépassé par la somptuosité du spectacle, n'osa pas demander pourquoi la rivière coulait en boucle, ce qui était théoriquement impossible. Il se contenta de lever les yeux. Les tours d'Alget n'étaient plus visibles sous cet angle. Ils s'engagèrent sous le dôme, où l'eau ruisselant autour d'eux teintait tout de bleu. Autre enchantement, l'air était étonnamment sec, et le vacarme qui aurait dû résulter de la chute de l'eau n'était que bruissement. La brèche de saphir franchie, Alget s'étendait devant eux. Tout d'abord, une place pavée de grandes dalles couleur d'azur au-dessus de laquelle s'entrecroisaient des passerelles de cristal. Des tours ensuite, hautes et fines, puis des rues aux perspectives enivrantes. Impossible de savoir ce qui avait été dessiné et ce qui avait été construit. La ville entière semblait magique. Edwin se pencha vers Camille. « J'aurais aimé, lui expliqua-t-il, te faire entrer au palais par la porte des songes. Mais je crains que ce ne soit pas discret. Nous allons passer par la bouche de la garde impériale. » Le maître d'armes guida ses compagnons à travers la ville. Camille et Salim écarquillaient les yeux devant les merveilles qui s'offraient à eux. Ceux qui étaient déjà venus à Alget n'étaient pas en reste, comme si la beauté de la cité interdisait toute satiété, jusqu'à Edwin qui dévorait du regard les constructions vertigineuses qui les surplombaient. La bouche de la garde était une gigantesque tour cylindrique qui paraissait de verre opaque et s'élevait vers le ciel sans autre ouverture qu'une importante porte ronde. 8 gardes se tenaient là, figés en un impressionnant garde-à-vous. Edwin s'approcha de leur officier et lui murmura quelques mots. L'homme se raidit et aboya un ordre. Les soldats s'écartèrent et les compagnons engagèrent leur monture dans la bouche. Un tunnel, cylindrique lui aussi, les conduisit 30 mètres plus loin jusqu'à une cour au sol lisse et blanc. Au-dessus d'eux, le ciel découpait un cercle bleu. De nombreuses fenêtres et quelques portes s'ouvraient dans les murs de verre. Edwin descendit souplement de cheval, imité par ses amis. Camille remarqua que le maître d'armes avait encore gagné en prestance, comme s'il venait d'endosser un nouveau rôle qui exigeait de lui qu'il soit fier et charismatique. Il s'adressa brièvement aux gardes qui s'étaient précipités à sa rencontre, puis se tourna vers elle. « Si tu n'y vois pas d'inconvénient, lui proposa-t-il, tu vas venir avec moi pendant que nos compagnons prendront le repos qu'ils ont mérité. » « Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, » remarqua Camille sans acrimonie. « Sois prudente !» lui cria Salim alors qu'elle s'éloignait avec Edwin. « Tu sais que lorsque je ne suis pas là pour veiller sur toi, tu fais les pires bêtises !» Elle secoua la tête et s'abstint de répondre. Le maître d'armes la guida le long d'une série de couloirs où ils croisèrent des soldats et de rares civils. Puis, ils gravirent un escalier et abordèrent un niveau moins fréquenté. Camille avait vaguement l'impression d'avoir quitté la tour, mais son sens de l'orientation était perturbé par les multiples changements de direction imposés par son guide. Elle se préparait à l'interpeller à ce sujet, lorsqu'Edwin frappa 3 coups à une porte qu'il poussa sans attendre de réponse. La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était claire, meublée sobrement. La majeure partie de l'espace, occupée par une table immense jonchée de papiers et de cartes. Un homme se trouvait là. Il se tourna au bruit qu'ils firent en entrant, et un sourire illumina son visage lorsqu'il les vit. « Edwin !» s'écria-t-il. « Je commençais à m'inquiéter. Ton dernier message date de plus de 15 jours. As-tu réussi à convaincre les Faël ?» Camille examina brièvement l'homme qui se tenait devant eux. Il était grand, âgé d'une 40aine d'années. Un fin collier de barbe encadrait un visage aux traits fatigués, mais aux yeux vifs et perçants. Il était vêtu simplement, d'un pantalon et d'une tunique blanche sur laquelle était passée une cotte de maille légère. Edwin s'inclina avec respect. « J'ai renoncé à ma mission, » annonça-t-il. L'homme en blanc eut un mouvement de surprise, mais déjà Edwin poursuivait. Chiam vite, prince Faël, m'a accompagné jusqu'ici. Ce n'est toutefois pas pour cette raison que j'ai fait demi-tour. Sans donner davantage d'explications, il s'effaça devant Camille.